Bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Radio Guémozo. Tout de suite vous retrouvez votre rendez-vous Vivre et Créer à la montagne, présenté par Vincent. Très bonne écoute et très bonne émission à vous. Bonsoir, l'émission de ce soir de Vivre et Créer à la montagne va porter sur deux sujets. Le Théâtre du Peuple, qui est bien sûr notre grand événement de la saison d'été et qui continue jusqu'au 7 septembre, rappelons-le, et même un petit peu le 8 avec le bal littéraire ce jour-là, qui en plus sera consacré aussi à l'inauguration d'un nouveau parcours autour du Théâtre du Peuple, parcours que les 30 ans du parc ont mis en avant et dont votre serviteur a eu la joie de faire le topo. Voilà. Alors donc, Théâtre du Peuple et Géo Condé. Alors, Géo Condé, je vous présenterai Georges Condé, un artiste qui a été artiste peintre, marionnettiste, sculpteur, lorrain, qui a été en honneur tout cet été à Docel, à la papeterie, céramiste également, n'oublions pas, né en 1891, à Frouard, mort en 80 à la poste de Velaine en Meurthe-et-Moselle. Voilà. Donc, pour lui, on aura une présentation un peu spéciale en deuxième partie. Alors, le Théâtre du Peuple, bien sûr, et Géo Condé, les deux événements les plus importants, mais je vous passerai plus tard un reportage sur l'exposition qui se déroule à la médiathèque du Tio et jusqu'à demain 30 août, on n'est pas en septembre encore, et donc 30 août, une exposition de Raphaël Parmentier, j'en parle un peu parce que il est encore temps d'y aller demain, c'est sur le tunnel de Bussan, le tunnel routier qui a fait l'objet donc de toute une étude de la part de Raphaël, qui est un historien de Bussan et qui a beaucoup de documents, qui a fait plusieurs expositions par le passé à la médiathèque, ainsi qu'à Urbès, ainsi qu'à Bussan même, bien sûr. Alors voilà, je vous conseille d'y aller le voir avant que ça ne ferme, à moins qu'on ne la présente ailleurs, à Bussan, effectivement, ultérieurement. Voilà, je vous conseille donc cette visite. Ensuite, le Théâtre du Peuple, ça sera quatre sujets. Suzy Stork, qui est la pièce du soir, qui est particulièrement percutante, un drame contemporain, social pourrait-on dire, vosgien aussi pourrait-on dire. Et également, bien sûr, on reviendra un petit peu sur La vie est un songe, la pièce de l'après-midi. Le Suzy Stork étant le soir, et aussi sur une rencontre qui s'est passée le week-end dernier avec la Maison des pratiques artistiques amateurs de Paris. Donc il a pas mal de choses à apprendre, et il y a eu un échange qui s'est fait dans ce qu'on appelle les impromptus du théâtre. Alors voilà le programme. Déjà, Théâtre du Peuple. Alors, Suzy Stork. Suzy Stork, c'est une pièce que je vais vous faire entendre, dont je vais vous faire entendre des extraits. Nous sommes le 17 juin. Il est 22h37. Le soleil n'est pas encore couché. Dans la cuisine, sur la table de Suzy Stork, il y a des bouteilles. Trois, plus ou moins vides. Suzy Stork est à la fenêtre et attend que Hans Vassili Kreutz revienne. Et tout lui revient, comme on exhume un corps, comme on déterre une histoire. Son incapacité à ne pas avoir réussi à affirmer de façon suffisamment vindicative qu'elle désirait refuser certaines obligations personnelles et physiques, aussi bien qu'économiques, qu'elle désirait refuser de remplir son devoir conjugal en ne produisant pas d'enfant. histoire commence comme ça. Ça se passe ici, exactement ici. Un 17 juin, il est 20h54. On entend au loin le bruit d'une voiture. Une voiture qui démarre, s'éloigne. Suzy Stork est là, le visage collé à la fenêtre. Ne bouge pas, attends. La chaleur est lourde. C'est un peu avant l'orage. Un soir où le soleil couchant n'en finit pas de se coucher. Suzy éprouve le besoin de boire encore un verre. Au loin, là-haut, on entend le bruit de voix d'enfants. On entend le bruit de petites mains qui triturent une serrure avec des objets métalliques. On entend quelqu'un frapper à la vitre de la porte. Ouvre cette porte, Suzy ! Suzy ! Tu m'entends ? Ouvre cette satanée porte ! Et Suzy Stork s'approche de la porte. Et la main de Suzy Stork se lève. Et la main de Suzy Stork se pose sur la poignée de la porte. Et la main de Suzy Stork ouvre la porte. Madame Stork entre, s'assied, face à face. Elles sont assises à la même table. Elles se regardent longtemps. L'une et l'autre pourraient se dire beaucoup de choses. Elles ne le font pas. Madame Stork gifle Suzy. Une première fois, une seconde fois. Je ne sais pas comment c'est possible de me dire que j'ai une fille comme toi. Je me suis mise en droit, j'ai tout fait. Je veux dire, je n'ai jamais rien dit, je me suis toujours tue. J'ai été une bonne mère, je n'ai pas été la pire, je t'ai tout épargné. Et tu me fais honte. Une incohérence, l'incohérence de ma vie, tu es. Je retrace le chemin de ce qui me nous mène à aujourd'hui. Que de l'incohérence ! Je ne sais pas quoi te dire. Géographiquement où précisément ça se passe. Nous sommes le 17 juin. Il est 21h14. Le soleil n'est pas encore couché. Madame Stork gifle une dernière fois Suzy avant de disparaître derrière la porte vitrée. Suzy est seule et tout lui revient. Comme on exhume un corps, comme on déterre une histoire. J'entends là-haut les enfants qui s'agitent. Tu sais, bien évidemment, que cette agitation n'est pas simplement le fait de cette chaleur, de ce soleil qui n'en finit pas de briller, de ce soleil qui n'en finit pas de ne pas vouloir se coucher. Les enfants s'agitent. J'ai fermé la porte de la chambre à clé. Je n'ai plus la force de monter à l'étage. Le son des martinets tourne encore au-dessus des tuiles de la maison. Ce sera peut-être la dernière fois que je l'entendrai. Je voudrais que mon cœur soit comme un bétail qu'on abat, comme une poule dont on étire le cou sur un toit dévié de pierre. J'essaie d'éprouver quelque chose. J'essaie d'éprouver la douleur que je me devrais d'éprouver, mais les épaules se relâchent. La nuque est saisie par ça. Un affaissement, un recourbement, un relâchement, un soulagement que je ne sais comment nommer. Les petits, ceux qui sont dans leur chambre, finiront par s'épuiser à force de vouloir ouvrir la porte que j'ai fermée à clé. Ma patience peut encore supporter sans fin ce bruit de ceux qui s'échinent à crocheter avec un trombone une petite serrure. Ma patience peut encore supporter ce bruit. Cliquetis insatiable, cliquetis fébrile, dans les vapeurs d'une nuit qui ne vient pas. La chaleur s'écrase sur le dessus de mon front. Je ne sais plus si les volets de la chambre des enfants ont été tirés. Je ne sais plus si les volets sont maintenant tirés. Je ne sais pas. Mais connais la température de la fournaise. Comment expliquer à ces enfants que peut-être Hans Vassili Kreutz ne reviendra peut-être pas, que peut-être je ne réussirai plus à ouvrir cette porte et à soutenir leur regard d'enfant, que peut-être je n'ai pas suffisamment mesuré, que peut-être j'ai commis une faute d'étourderie. J'essaie de me dire que ce qui vient de se produire n'est en rien quelque chose qui modifiera ce que je voudrais voir s'organiser dans ma vie. Hans Vassili Kreutz est sorti de la pièce. Son visage était livide. Il est sorti de la pièce et il n'a pas eu un regard tourné vers moi. Il est sorti de la pièce et son visage, livide, comme une pierre crayeuse s'égrenant, s'effritait du bord de ses joues jusqu'à l'intérieur de ses orbites ravagées. J'ai entendu le cri qui s'est mis à sortir du fond de sa gorge déployée. Et j'ai entendu le cri de mes enfants. D'abord celui de Loïc, puis celui de son frère, qui crie encore dans ma tête. Et pourquoi maman crie ? Il a crié comme une brebis qu'on égorge. Un bruit de truie éventrée. Il a traversé les vallées. Mais personne ne lui a pendu les pieds à un arbre. Et je me souviens, regarde dans le miroir au-dessus de l'évier de la cuisine, regarde dans les recoins de la cour, et je me souviens de mon bras qui se lève accrochant le linge de la maison. De mon bras qui se lève pour en coller une à l'un de mes trois enfants. De mon bras qui se lève pour remettre dans la bouche du bébé la tétine tombée. De mon bras qui se lève pour attraper le panier à linge vide et le coller au mur de la maison. De mon bras qui se lève et s'engouffre dans la poche de mon pantalon pour en sortir une clope. de mon bras qui se lève pour en coller une à ce con de chien de chasse qui vient encore de chier devant la porte du garage. Je me souviens des merdes de chiens. Je repense aux mouches qui les butinent. Qu'est-ce qui fait tenir un soleil de plomb? Il est 21h22. Le transistor résonne dans la cuisine de la maison de Hans Vassili Kreutz et Suzy Stork. Quelqu'un passe le son que ça fait, une brebis morte dans les Pyrénées-Orientales. Ça grouille de vie, un corps qui se décompose. Je pense aux mouches. Je pense au pré dans lequel pâturaient les brebis de mes parents. Je pense aux pommes que nous leur lancions, aux pommes décomposées qui fermentaient dans leur ventre jusqu'à les rendre ivres. Et puis je pense à celles qui ont été égorgées, les pattes arrière pendues par une corde à la branche d'un pommier, le sang qui s'écoule de la gorge qu'on a tranchée, l'odeur de laine qui pue, qui reste coincée dans les doigts, l'odeur de la chair bestiale qui n'est pas encore tout à fait morte, et puis à celle de la graisse, lorsqu'on commence à écorcher la carcasse, à l'odeur de cette graisse qui entre et se loge ténia olfactif. Je repense à tout, pensée écorchée et sautillante, quand là-haut, des enfants tentent de crocheter avec fatigue une petite serrure. Mon cœur est une horloge. J'en ouvre grand les portes, que les vents puissent y pénétrer, emporter le cri de mon monde. Pensée, un gouffre purulent dans lequel Suzy Stork essaie de retrouver de la clarté. Tout s'amoncelle, tout prend une vitesse. Les derniers jours s'entrechoquent, les derniers mois s'entremêlent, les dernières années se fondent, puis se confondent. Son cœur est une horloge dont elle voudrait en détacher le balancier. C'est noir. Oui, c'est assez noir, oui. Assez. Oui. Noir, c'est noir. Oui. Noir, c'est noir. Ça rappelle un peu... Moi, je sais pas, ça me rappelle un peu l'histoire, l'époque du petit Grégory aussi. Mais par certains côtés, quoi. Hein. Vous l'avez connu, hein. Oui, ma vie. Ouais, voilà. On en a tellement parlé. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un côté... Alors bon, c'est pas spécial au vol, parce que des fois, c'est les Pyrénées, mais disons, ça rappelle un peu l'ambiance du petit Grégory, tout ça, quand il y avait eu Marguerite Yourcenar qui avait dit de Christine Villemain, sublime, forcément sublime, et où c'est aussi, c'est quand on soupçonnait Christine d'avoir fait le meurtre, moi ça me rappelle les discussions qu'on a eues à l'époque, et même avec lui, voilà. Oui, moi un film, j'avais vu un film comme ça. Voilà. La dame. Mais c'est assez désespéré, effectivement. Oui, voilà, désespéré, voilà, c'est ça. Enfin, voilà. Bien réalisé, mais ouais, désespéré. Eh oui. Bellement désespéré. Voilà. Merci, c'est ce que j'en pense aussi. Oui, on disait avec ta fille que c'était bellement désespéré. Oui, voilà. Oui, c'est noir, c'est sûr, c'est noir. Il y a quand même un peu d'humour. Il y a quand même de l'humour. Mais bon, ça dit bien une certaine condition de ah, ben, ça, femme. C'est dur. Hein. Avec de la femme, pression, ou pas que de la femme. Sociale. Je dirais. Mais l'homme est touchant aussi. Mais oui. Hein. On ne peut pas Mais c'est ça. Pas que de la femme. Elle ne condamne pas, de toute façon, les hommes. Non. Elle subit ouais. Beaucoup. Je veux dire, l'auteur, quoi. L'autrice. Oui. Mais c'est vrai qu'on la connaît un peu, Magali Bouger. Elle ne condamne pas vraiment les hommes. C'est la société. C'est pas toi qui avais fait un stage, qui avait fait cette pièce-là, avec Magali Bouger. Oui, et c'était déjà un résumé de la base. On a travaillé certains, quand elle parle du poulet. Oui, je m'en rappelais. Est on avait travaillé. Ouais. Quand il y avait trois trois acteurs qui jouaient l'homme, quoi. Ouais. Oui, oui. Non, c'est... Il y a des beaux moments. Toi, tu avais joué quoi, toi, dans cette... Parce que moi, je jouais ce que dit Vincent Deletang. Ah, d'accord. Oui, c'était déjà un récitant comme ça. Voilà, voilà. D'accord. Voilà, avec une autre. C'est... Alors, c'est minimaliste. Hein. Oui, ouais, oui, nous oui. qui avons vu, on a vu, Tarkovsky, c'était aussi minimal. C'est le style quand même de Simon. Oui. Bien droit comme ça. Oui, tac, c'est... Net, précis, froid, quoi. Oui. Presque. Voilà. Mais au début, on s'est plaint. Hein. Au début, on se dit qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a une histoire avec. On ne sait pas du tout au début. Ouais. Enfin, voilà. Ben, c'est terrible. Hein. Okay. Non, c'est beau. C'est beau. Oui. Un peu. Non, ouais. De toute façon, on dit, moi, c'est parce que ça permet aussi de délayer, d'étendre un petit peu la pensée qui est concentrée. Bon, c'est pour ça que c'est difficile d'en parler, mais en partageant un peu, c'est magique. Hein. Mais... C'est la radio, hein, je te préviens, mais bon, c'est parce que j'ai besoin mais de... Mais t'es obligé de dire les prénoms de ceux que tu... Ah non, je ne le dirai pas. Voilà, je crois que c'est mieux aussi, Vincent. Eh ben, je le camouflerai. On parle plus quand on... Oui, c'est vrai. Si eh ben, tu je l'enlèverai. Pas... D'accord. Parce alors, que... madame... Ben moi, je trouve que c'est vraiment un courage que d'oser dire ce que certaines et certains pensent sans doute. Hein. Et pas toujours tout le temps, mais à certains moments, d'oser le dire et d'oser le dire aussi fort, aussi froidement, aussi... C'est beau. Moi, ça m'a fait penser à certaines peintures complètement réalistes de allemandes. Ah oui. De choses terribles, quoi. Hein, oui. La dernière scène, elle est prenante, quoi. Oui, hein. Oui. D'abord, tu es surpris par ce jouet qui arrive, qui représente l'enfant qui tue sa mère. Quoi, oui, en fait, hein. L'enfant tue sa mère. Voilà, oui. Voilà. Puis après, la mort, et puis ce truc qui se ferme progressivement, comme dans un cercueil, en fait. Voilà. C'est une scène. Et ce manteau, est-ce que c'est le manteau de la Vierge ce manteau bleu. C'est bleu, bleu. Tiens. Oui, c'est vrai que ça fait penser. Hein. C'est vrai, hein, hein. Je me suis demandé. Comme la saison qui est bleue cette année. Oui. Il y a quelque chose d'une espèce de rédemption. Je ne dis pas d'espoir, mais enfin de rédemption. Voilà. Bah, elle est magnifique, Suzy. Ah ben oui. Enfin, dans sa désespérance, elle est... Comme je disais à madame... Sa mère, d'abord. C'est terrible, cette maman. Oui, mais c'est le mot qu'on entend. C'est pas inventé. Hein, ça rappelle un peu l'époque du petit Grégory, je disais, de Marguerite Yourcenar, qui disait... Parce qu'on soupçonnait, quand on soupçonnait Christine Villemer, on n'en saura jamais. Mais, et elle avait écrit sublime, forcément sublime, aussi, en pensant que c'était qu'elle avait voulu échapper à cet horizon, justement, qui est un peu celui de Suzy Stork, même le même. Hein, quand on pense à l'épange là-bas, ses cités, tout ça. Moi, je pensais bien à cet univers de l'épange, tout ça, et au petit Grégory, d'une certaine façon. Ouais, peut-être qu'il y a une certaine relation, d'ailleurs. Il faudrait lui demander. Ouais. Mais Grégory ou d'autres, parce que ça pourrait vraiment arriver, j'allais dire, à tout le monde, d'oublier, à un certain moment, un berceau, un enfant. Quand on est submergé... J'ose pas le dire. Pascal, tu l'entends pleurer en permanence. Oui, oui. Et tu fais plus attention parce que tellement tu l'as en tête, le gamin qui pleure. Et tu supportes plus, quoi. T'es à bout. Et puis c'est le symbole de... Ouais. À certains moments, les enfants sont insupportables. Ça, quoi. Ils deviennent vraiment quelque chose. Oser le dire, c'est... Toute la journée avec l'enfant, quoi, c'est... Trois enfants. Wow. Avec peu d'écart d'âge. C'est très dur. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est très dur. Oui. Ouais. Enfin, voilà, c'est... Voilà. Avec pas la possibilité, parce qu'en fin de compte, il semblerait qu'elle n'ait aucune femme avec laquelle discuter. Non, c'est vrai, elle est seule. Il n'y a pas d'homme. Enfin, si, parce que son homme, il est presque attachant à la fin, parce qu'il dit, mais moi j'ai fait ce que je pouvais, et c'est vrai que c'est pas. Bah, il ne sait pas, quoi, il est à côté. C'est deux mondes qui se juxtaposent en. Bah, il peut, ne répond pas peut... d'ailleurs, elle parle dans le vide. Alors, c'est plutôt social quand même, parce que c'est la condition de lui, il a une condition difficile aussi. Hein. Mais oui. Voilà. Mm-hmm. Plutôt social que je dirais que MeToo ou que revendication, je dirais, voilà, comme on dit. C'est pas tellement féministe. Si, c'est féministe, enfin. C'est féministe, mais c'est pas contre les hommes, en fait. Ouais, ouais. Oui. Ouais. Mais ils sont humains tous les deux. Enfin, voilà, c'est ça. Tous les deux. Ah oui, c'est vrai. Hein. C'est juste un point de vue. Elle se dégage. Quand elle écrit, en fait, elle n'est pas dedans. Elle est comme extérieure à cette histoire qu'elle raconte. Et elle raconte cet homme tel qu'il est, quoi. Il faut pas le. Sans jugement, quoi. Ah oui. Sans jugement, comme ça. Sans jugement. Voilà. Il n'y a pas de jugement négatif sur lui. Ah oui. Elle nous disait ça. Mais elle avait, s'était inspirée de... Pardon. De le jouer comme ça. Elle avait dit qu'elle s'était inspirée de faits divers réels. Bah, tu sais bien qu'il y a eu un moment où il y a eu des enfants qui sont restés dans des voitures. Ah, mais oui, ça, oui. Et qui sont morts. Ça existe malheureusement toujours. Qui ont été oubliés. Bah, c'est pareil, qui ont été oubliés dans des voitures. Ouais. Parce que la personne qui l'amenait à la nounou... c'était pas son, enfin, c'était son jour, mais elle a oublié que bon, c'était son jour, des fois c'était son mari, des fois c'était elle. Et en fait, elle était dans son travail ou dans ce qu'elle avait à faire et a complètement oublié le bébé dans la voiture. Avec la chaleur. Ce qui était extraordinaire, c'est le fait que chacun il ne bougeait pas. Hein. C'était pas des, sur la scène, il n'y avait pas de mouvement vraiment intempestif. Et pourtant, tout était dit. Et quand il parlait, quand il se parlait, face à face, mais dans la... Fort, bah, nous, on connaît ça. C'est fort, Simon, c'est fort. Hein. Oui. C'est beaucoup plus fort que s'il s'adressait comme ça. Bien sûr. C'est beaucoup plus fort. Hein. Évidemment. Enfin, il faut y être habitué quand même, parce que si on n'est pas habitué, je me demande comment ont ressenti certaines personnes le fait. Déjà, il faut se dire, ah ben attends, ils se parlent, mais ils ne se regardent pas. Et nous, bien, on arrive à le saisir assez rapidement, mais je suis pas sûre que ce soit facile pour tout le monde. Ben oui, au départ. Tu vas au théâtre, normalement c'est un échange. Voilà, et là, l'échange est différent. Et c'est fait superbement. Hein. Ouais. Et nous qui avons, enfin, je sais pas s'il y en a qui ont vu les guerrières ordinaires. Oh, tu l'as vu, toi? Oui, on puis, était a, oui puis, bien sûr, on était ensemble. Oui, oui. Alors, il y a un peu de la. On retrouve la même thématique, brûler la maison. C'est l'écriture de Magali. C'est aussi très dur. Mais oui, surtout. C'est un univers. Ah oui, c'est noir. Hein. Ouais. Ah oui, elle voit les choses en noir, quand même. Hein. C'est on en avait parlé déjà, oui. Bon. Elle voit les choses, je ne sais pas. Oui. Parfois, mais en tout cas c'est... Elle veut dire les choses. D'une sobriété. C'est des coups de canon, hein. C'est des coups de sabre. Et... Oui. Bon, cette histoire de brebis, là, qui revient continuellement. Oui. Alors ça, c'est... elle nous a dit, c'est quand j'écrivais ça, à la radio... J'ai entendu qu'un fait divers, que dans les Pyrénées, on avait retrouvé une brebis avec les mouches dedans et qu'en fait, les mouches, les asticots, tout cela faisait bouger le corps de la brebis. Quoi. Enfin, elle entendait ça à la radio quand elle écrivait son truc. En fait, elle l'a mis dedans. Quoi. Mais elle arrive à nous faire sentir... Enfin, peut-être qu'il faut avoir été un peu au contact des moutons, mais moi, c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais... dans une bergerie, enfin je passais toujours près d'une bergerie et j'y entrais, donc c'est vrai que quand elle racontait, moi je sentais à nouveau l'odeur de la laine, l'odeur de l'urine, mais pas aussi fortement oui. qu'elle le disait. Elle arrive à nous faire pénétrer, enfin les choses, elle arrive à nous les faire pénétrer par tous les, par les oreilles, par le nez, par par la bouche. Par... Oui, c'est assez. Voilà. Elle a une sacrée écriture. Hein. Mais bon, moi, c'est vrai que je n'amènerai pas mon enfant là pour mes petits enfants là. C'est à partir de 14 ans quand même. Hein. Oui, alors, 14 ans. Hein, cette vision de. Oui. De l'enfance. De l'enfance, de la maternité, gamin, ouais, de l'amour et du. Oui. Ben, en tout cas, merci de tous ces échanges. Mm. Ça permet, c'est bien de un peu délayer dans notre conversation aussi, pas que pour la radio, bien sûr, mais pour nous. Voilà. Voilà pour cette pièce Suzy Stork et sa représentation faite au Théâtre du Peuple, ainsi que la réaction du public que Vincent a pu enregistrer. Et si le pain vient à manquer, je... tout de suite, on retrouve eh bien, la communication de ce jour de la Maison des pratiques artistiques et amateurs. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet impromptu singulier, puisque c'est aujourd'hui une rencontre. Une rencontre autour de la pratique artistique amateur, que ce soit au Théâtre du Peuple ou dans d'autres lieux. Le Théâtre du Peuple, évidemment, historiquement, est un lieu où les amateurs sont associés depuis l'origine de la fondation de ce théâtre, de par leur engagement, de par leur place singulière également au plateau. Mais il y a d'autres lieux qui s'intéressent à cette question-là. Et donc, aujourd'hui, on accueille les responsables de la Maison des pratiques artistiques amateurs de la ville de Paris, Sonia Leplat, la directrice, et Romain Colson, qui est responsable théâtre. Et c'est une maison avec laquelle on va commencer à travailler en partenariat sur des questions à la fois de réflexion, de formation, pour un peu unir nos forces sur ces questions-là, pour qu'au niveau national, il y ait une réflexion qui continue sur la place des amateurs dans le spectacle vivant. Et avec nous également Jean-Yves Ruff, le metteur en scène de La vie est un rêve, qui est également pédagogue et qui travaille régulièrement aussi dans des structures au contact des amateurs. Donc on va commencer, ça va durer une quarantaine de minutes, c'est une discussion un petit peu comme ça, détendue sous les arbres. On n'aura peut-être pas forcément le temps d'ouvrir la discussion vers vous, mais on pourra le faire de manière informelle à l'issue de nos discussions, on peut rester ensemble, et si vous avez des questions, on pourra y répondre comme ça, sans passer par la voie micro-tribune, et comme ça on pourra le faire de manière plus conviviale. Donc ma première question, qui n'est pas vraiment une question, c'était surtout de demander à Sonia Leplat qu'elle nous présente un petit peu la Maison des pratiques artistiques amateurs, parce que c'est une structure qu'on connaît peu finalement, alors qu'elle a une importance capitale à Paris. Il y a une vingtaine de salles qui sont à disposition des amatrices et des amateurs dans la capitale, et il y a une vraie réflexion qui est menée, c'est pour ça que ça m'intéressait, c'est que c'est pas uniquement de l'animation au sens des ateliers, voilà, qui serait simplement du remplissage et de la consommation, mais il y a derrière une vraie réflexion sur le sens de tout ça dans la société d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Simon de l'Étang et à toute l'équipe du Théâtre du Peuple de nous accueillir, de nous avoir invités pour cette rencontre. Et merci aussi à la fois en tant que metteur en scène, merci Simon, et merci à toi aussi Jean-Yves de nous avoir proposé ces deux magnifiques spectacles qu'on a eu la chance de voir avec l'équipe de l'AMP2A dans cet écrin extraordinaire. Et tout d'abord, voilà, témoigner de la chance que nous avons en France d'avoir des initiatives atypiques, constructives, inventives, qui permettent d'encourager la pratique des artistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. La Maison des pratiques artistiques amateurs, effectivement, n'est pas un établissement très connu, d'une part parce que c'est un établissement assez jeune, il a 10 ans, un petit peu plus maintenant. Il est né d'une envie assez passionnée à l'initiative de Bertrand Delanoë et de Christophe Gérard, qui était son adjoint à la culture à ce moment-là, qui sont allés faire un voyage en Colombie et qui ont découvert les maisons, alors je ne sais plus le nom exact, les maisons de la culture, je crois, en tout cas qui sont des espaces ouverts au rez-de-chaussée des bâtiments et qui sont totalement ouverts de jour comme de nuit à la pratique artistique, notamment du spectacle vivant. Et fort de cette rencontre, ils ont réfléchi à ce qu'était la pratique artistique des amateurs à Paris. Ils ont lancé une étude, une enquête auprès de tous les Parisiens, à laquelle a d'ailleurs participé Romain Colson, qui est à ma droite. Et le résultat de ce travail a été de dire que ce n'est pas toujours tout de suite de salles de spectacle dont on a besoin pour les amateurs. C'est avant tout des salles de travail, de répétition, de rencontres, des endroits ouverts, pas chers, bien équipés, parce que c'est pas parce qu'on est des amateurs qu'on va répéter toute notre vie dans un garage ou dans un salon trop petit ou dans une cave. Voilà, donc une fois ceci dit, le travail ensuite du politique et du technicien de la culture à Paris a consisté à ouvrir des salles. Donc effectivement, il y a 5 sites à Paris qui sont à Saint-Germain, à Odéon, on a une salle de spectacle. 4 autres sites, dans le 1er, dans le 11e, le 14e et le 20e arrondissement. Vous aurez un petit fascicule pour ceux qui veulent avoir les infos plus précises. Qui sont entièrement dédiés à la pratique des amateurs. Alors, en général, on vient nous voir en premier lieu pour trouver des espaces de répétition, de réunion, de travail à la table. Il y a des studios de danse, des studios de théâtre, on peut faire de la musique. On a des salles insonorisées, une salle de MAO, un lab. Et puis, assez vite, on se rend compte que les gens ont aussi besoin d'accompagnement, de conseils, de parler de leur travail à des personnes, donc nous en l'occurrence, qui avons l'habitude du spectacle vivant et qui pouvons les conseiller, soit en interne, soit en les orientant vers d'autres structures, soit en leur présentant des artistes professionnels, tout un tas de choses, des conseils qui sont à la fois artistiques, juridiques, administratifs, techniques aussi. On a une équipe technique de permanents qui permet d'encadrer le travail et de permettre des créations lumière, des créations son, de la vidéo, etc. Donc ça, c'est notre premier, c'est notre cœur de métier, c'est l'accompagnement des pratiques des personnes qui créent du spectacle vivant en amateur. Pour dynamiser cette pratique et faire en sorte que tous ces publics puissent se rencontrer et puissent passer le pas, parce qu'on n'en est pas toujours tous là à avoir déjà un groupe dans lequel on s'est inscrit pour créer un spectacle, que ce soit en théâtre, en danse et en musique, je ne l'ai pas dit, on est sur les trois disciplines. On propose des ateliers de pratique qui sont ouverts aux individuels et qui permettent, quelle que soit son ambition, de trouver un projet à sa mesure. Donc ça peut être de l'initiation pour les gens qui n'ont jamais fait, et puis des projets de création artistique beaucoup plus ambitieux qui s'étalent sur plusieurs mois et qui permettent de créer un spectacle dans des conditions absolument professionnelles. Donc ça, c'est notre deuxième activité. Et notre troisième activité, c'est de diffuser des spectacles d'amateurs, des spectacles de professionnels. Alors on nous pose souvent la question, mais comment vous faites pour programmer des spectacles d'amateurs? Pas exactement de la même manière qu'on programme des spectacles professionnels. On va les voir, on discute, on rencontre des artistes, on a des coups de cœur, on a des doutes, on fait des paris. Parfois, des projets sur le papier sont absolument séduisants. Et puis, parfois, on réussit ce pari, parfois, on se trompe. Exactement de la même manière que de programmer des comédiens et des comédiennes professionnels. Et puis, comme le disait Simon, un de nos enjeux, c'est vraiment de questionner le statut de l'amateur. Qu'est-ce qu'un amateur? On a tendance en France à opposer classiquement amateur et professionnel. Nous, c'est une entrée qu'on ne souhaite absolument pas prendre, une entrée qui a évidemment très peu de perspectives, puisqu'on opposerait un statut professionnel d'un côté et une passion de l'autre. Donc, de fait, ça n'a pas de sens. Donc, on a lancé un cycle de rencontres qui s'appelle « Amateur, oui et alors ?». Donc ça, c'est notre mission un peu de ressource dont on pourra reparler. Ce questionnement nous alimente et nous anime. Et c'est aussi à partir de ce questionnement qu'on rencontre les partenaires et les autres structures, qu'elles soient institutionnelles, mais aussi privées, associatives, qui questionnent la création artistique avec des amateurs et avec des professionnels. Comme le fait Bussan, comme le fait l'ARIA en Corse aussi, dont on pourra parler tout à l'heure, puisque Jean-Yves, tu y as participé aussi. Donc cette question de l'amateur, qu'est-ce que c'est qu'un amateur? Est-ce qu'un amateur, c'est quelqu'un qui s'engage exactement de la même manière qu'un professionnel, mais qui a une autre vie professionnelle à côté qui fait qu'il n'est pas payé pour son travail artistique, ce qui n'en est pas moins un travail? Est-ce qu'un amateur, c'est quelqu'un qui participe à un moment donné à une aventure avec des professionnels ou entre amateurs? Est-ce qu'un amateur, c'est quelqu'un qui a une pratique hebdomadaire, comme c'est souvent le cas, d'un cours de théâtre tous les soirs, tous les mardis soirs, d'un cours de danse, d'un cours de musique? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est formé dans des conservatoires ou dans des cours privés et qui ensuite a une technicité, a un savoir-faire? Et est-ce que ce savoir-faire lui permet d'être un citoyen d'une autre manière? Ou est-ce que simplement il a cette technicité et puis il n'en fait pas grand-chose? Donc nous, c'est des questions qui nous passionnent, qui nous intéressent, entre la formation, l'envie de créer individuellement, l'envie de créer ensemble, l'envie de faire quelque chose de ce dont on a créé, parce que souvent l'une des grandes frustrations des amateurs, c'est de jouer peu. Un amateur travaille de longs mois pour créer un spectacle et souvent à l'issue, il y a une, voire deux, trois représentations, c'est rarement plus. Donc tout ça, on prend en compte tous ces paramètres. La situation économique, le profil des amateurs, l'envie de devenir ou pas un amateur avec cette étiquette-là. On fait de plus en plus le distinguo avec des expériences qui sont plus de l'ordre de la participation. Il y a beaucoup de spectacles professionnels aujourd'hui qui montent leur production, que ce soit au Théâtre de la Ville, à la Colline, dans plein de lieux publics, avec cette envie de mettre dans le spectacle ce qu'on appelle communément des vrais gens, qui donc ne sont pas des personnes qui pratiquent un art en particulier, mais qui sont là en tant que personnalité, que caractère, que physique, que expérience, que voilà. Donc tout ça, ce sont des questions. On n'a pas la prétention d'avoir des réponses, en tout cas pas encore, mais on partage nos pensées et nos travaux avec tout un tas d'autres structures, des professionnels, des artistes, bien sûr, qui sont dans cet esprit de transmission et de collectif, pour capitaliser et puis essayer d'en tirer des perspectives, pour sortir justement dans l'imaginaire collectif de cette opposition traditionnelle amateur-professionnelle et pour sortir aussi d'une politique culturelle qui a longtemps opposé la sacro-sainte création parfaite qui devient œuvre forcément et qui rejoint les œuvres capitales de l'humanité, tout là-haut de la pyramide, et puis des pratiques qui seraient au coin de la rue, quotidienne, dans les MJC, dans des écoles, dans des hôpitaux, ici, en milieu rural, à la montagne, ailleurs, dans les cités, et qui n'ont justement pas le droit de citer dans l'esprit de ceux qui financent la culture avec un grand C. Voilà, donc c'est ce à quoi on s'attache. Roman, je ne sais pas si tu veux compléter ou développer. Non, t'as dit beaucoup de choses. Alors, simplement, peut-être sur le théâtre, à Paris est évidemment une réalité territoriale très différente de Bussan. Et nous, ce qu'on a observé à travers cette enquête que tu citais tout à l'heure au préalable, qui a été réalisée entre 2006 et 2008, c'est on a remarqué qu'il y avait énormément de cours proposés à des amateurs, énormément de propositions émanant de professionnels qui proposaient leur service à l'endroit des amateurs. Et que les équipes amateurs, autonomes, compagnies, comme on peut les appeler, étaient peut-être moins visibles. Donc nous, on s'est aussi attaché beaucoup à permettre à ces équipes de s'identifier. Et pour quelqu'un qui veut faire du théâtre à Paris, il n'est pas forcément toujours question de prendre des cours, mais de pouvoir éventuellement rejoindre un groupe autonome. Donc on a créé ces rencontres qui maintenant s'appellent Rejoignez-vous, qui permettent à des compagnies, mais en danse, musique, théâtre également, de rencontrer des nouveaux participants. Donc ça permet d'avoir comme ça aussi un vivier de personnes qui utilisent aussi nos salles de répétition, parce qu'on a à peu près 300 groupes par an qui répètent... 500. Voilà, bah ça a augmenté. C'est encore mieux. 500 groupes par an, donc ça fait beaucoup de projets. Évidemment, on ne peut pas tous les suivre, mais comme tu disais, certains sont plus ambitieux, audacieux que d'autres, et que ce soit par le répertoire choisi, par le nombre de participants. On a un groupe avec 28 amateurs, trentaine d'amateurs, parce que c'est variable, mais ça fait partie des groupes qu'on essaie de mettre en valeur et nos outils permettent, et on les met à disposition de ces groupes pour montrer des projets ambitieux qui pourraient peut-être pas se faire si on n'était pas là, ou en tout cas qui sont qu'on a à cœur d'accompagner davantage. Voilà à peu près ce qu'on peut en dire. Comme disait Simon tout à l'heure, on aura l'occasion, nous on est un petit peu là, donc si vous avez des questions à nous poser tout à l'heure à l'issue de la rencontre, ce sera avec plaisir qu'on pourra y répondre, parce qu'évidemment nous on est très curieux aussi de connaître un peu ces réalités éloignées de Paris. On sait qu'il y a aussi des personnes de l'Île-de-France qui viennent participer à Bussan, on en a rencontré quelques-uns, que ce soit comme bénévole ou comme comédien, comédienne. Ce qu'on s'était dit là, puisque c'est la deuxième année qu'on vient, on s'est dit que c'était intéressant de, peut-être que, comme c'est le thème de notre prochaine rencontre, de s'interroger sur le répertoire et de profiter de la présence de Jean-Yves pour lui demander d'abord ce qui l'a conduit à choisir cette pièce pour travailler avec des amateurs. Est-ce qu'on détecte dans une pièce un potentiel pour travailler spécifiquement avec des amateurs? Est-ce qu'il y a des raisons qui conduisent à se dire que ça va être une aventure collective plus qu'avec d'autres pièces? Des raisons complètement conscientes, non, là-dessus. La pièce, j'ai choisi parce que je pensais qu'elle allait bien dans le lieu aussi, et pour ce que je connais de Bussan, mais pas spécifiquement me disant il faut prendre quelque chose de pas trop dur parce que c'est des amateurs, parce qu'au contraire, c'est très dur comme texte. Et à jouer, et à comprendre, et à... voilà. C'est pas, a priori, on se dit, on va pas prendre ça pour monter un spectacle avec des amateurs. Ça veut dire bien qu'on peut le faire et que c'est pas là où est la gageure. C'est les emmener. Mais je veux dire, j'ai pas senti. Enfin, je dirige pas de manière différente un amateur et un professionnel. Je pense que c'est la même chose pour toi. On a la même psyché, les mêmes tendons, la même respiration, et c'est les mêmes problématiques. Ce qui peut changer, non, ça change même pas, je suis aussi exigeant. non, il n'y a pas de différence. Ce qui peut changer, c'est que je peux conseiller plus un jeune professionnel qui veut faire ce métier plus tard, pour ce qu'il a à suivre et à comprendre de ce métier, mais c'est tout. Donc le texte, pour répondre à ta question, non, je me suis... Par contre, ça aurait pu me faire peur, et c'est vrai que j'ai commencé ce texte à l'ARIA, on en parlait, donc en Corse, Et peut-être si je n'avais pas fait à l'ARIA, mais l'ARIA c'était vraiment une esquisse du texte parce qu'on avait 2 semaines de travail avec 16 comédiens, donc c'était vraiment jeté comme ça. Mais peut-être si je n'avais pas fait à l'ARIA, je n'aurais pas osé le faire là directement. J'ai vu à l'ARIA qu'il y avait dans ce texte, même s'il paraît complexe à la lecture, une chose naïve aussi, qui peut se raconter et s'entendre. Voilà. Dans quel cadre justement à l'ARIA tu l'as créé, enfin tu l'as exploré pour la première fois avec des jeunes apprentis professionnels, ou il y avait le mixte amateur-professionnel? Non, c'est le mixte. Ouais, c'était les rencontres d'été. Oui. Juste peut-être pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas que l'ARIA, c'est un festival de rencontres, une association qui a été fondée par Robin Renucci en Corse, dans son village, et qui depuis maintenant 22 ans, voilà, chaque été regroupe des amateurs et des professionnels dans la montagne en Corse pour explorer des écritures et des formes théâtrales. Et ce qui me permet justement de préciser ma question par rapport à ça, c'est que l'une des différences assez fondamentales avec Bussan, c'est que le metteur en scène du spectacle de l'après-midi à Bussan prévoit donc son choix de texte et d'œuvre, sa distribution et l'équilibre amateur-professionnel qu'il souhaite, si j'ai bien compris. Alors il est imposé par, par une sorte de, on va dire, de chose qui plane au-dessus de Bussan depuis les années 90. C'est-à-dire que dans chaque spectacle, il faut que ce soit un tiers de professionnels, 2/3 d'amateurs. Donc là, dans La vie est un rêve, il y a 3 professionnels. Et donc, il y a 9-10 amateurs plus les figurants. Donc là, on explose, je dirais, la règle, mais c'est tant mieux. Mais donc, s'il y a 10 professionnels, du coup, il y a 3. Voilà. Il y a 20 amateurs. Enfin, voilà, l'idée, c'est que toujours, il y ait cette chose plus importante du côté des amateurs que des professionnels. Et cette question de la proportion, elle est posée aussi à l'ARIA, alors pas de la même manière tout à fait, puisque là, c'est 3/3. C'est 1/3 de professionnels, 1/3 d'apprentis qui deviendront peut-être des professionnels, donc des élèves, donc plutôt des jeunes gens, et 1/3 d'amateurs venus de tout profil, tout métier, toute origine socioculturelle. Donc cette question de la distribution, elle se pose pas du tout, puisque le but de l'ARIA n'est pas de créer un spectacle, mais d'être dans un processus exploratoire artistique qui va mélanger la technique, des enjeux de scénographie, de mise en espace, puisqu'on est à l'extérieur uniquement, il n'y a pas de travaux dans la salle de spectacle. L'aventure, c'est comme t'en parleras mieux que moi sans doute, mais un condensé en fait du processus de création, oui, avec toutes les questions qui se posent très très vite en 2-3 semaines de travail. Ouais, c'est très intense. D'ailleurs, des fois, c'est bien parce qu'on n'a pas le temps d'essayer 10 choses. Il faut que la première marche. Ça, c'est très bien. La grande différence aussi, c'est que, et ça, c'était très agréable à vivre, c'est que pendant une semaine, on rencontre tous les comédiens. Ils sont 80 par groupe de 20, 2 séances où on explique ce qu'on va faire, sur quel texte on va travailler, quel processus de travail. Et après, ils choisissent, eux, les metteurs en scène qu'ils préfèrent. Donc, il faut un ordre de préférence de 1 à 6, si on est 6, ou de 1 à 7, si on est 7. Et nous, on doit distribuer en prenant les premiers choix, les deuxièmes fois, au pire les troisièmes, mais rester dans ce trio de tête. Voilà. Et d'habitude, on choisit toujours. Là, c'est les comédiens qui nous choisissent aussi. Et ça, c'est pas mal. Et c'est vrai que cette question du choix, elle est passionnante, parce qu'elle est inhabituelle pour les metteurs en scène. Et moi, ça me fait rebondir sur la question de la joie, et la question de la passion, et la question de l'engagement. Et de cette nécessité que dans la pratique artistique, notamment des amateurs, on s'interroge tout le temps sur la question de l'autonomie. Qu'est-ce qui permet à des personnes de faire des choix? Déjà, choisir un spectacle dans une programmation, c'est pas facile. Alors, quand il n'y a qu'un théâtre sur un territoire, ça, le choix ne se pose pas forcément là. Il se pose d'y aller ou de ne pas y aller, peut-être. Mais quand on est, nous à Paris, mais dans d'autres villes, évidemment, il y a plusieurs possibilités. Donc déjà, qu'est-ce qui permet de faire un choix en tant que spectateur, et puis ensuite des choix de vie, des choix d'engagement dans nos loisirs, dans nos vies communes. Qu'est-ce qui va faire qu'on va aller prendre un cours là plutôt que d'aller participer à un spectacle ici? Qu'est-ce qui fait qu'on va pendant 10 ans faire du théâtre et puis d'un seul coup plus avoir envie du tout, ou bien avoir envie de faire de la danse ou de la musique? Enfin voilà. Et cette question de l'accompagnement sur les temps de la vie, les temps de la semaine dans un premier temps, et puis les temps du long terme, quand on grandit, quand on vieillit, quand on change de préoccupations et d'objectifs. Je trouve que la pratique artistique a cette qualité extraordinaire d'être une sorte de loupe sur des préoccupations absolument intimes et personnelles qui peuvent parfois paraître futiles ou décalées par rapport à des préoccupations écologiques, politiques, citoyennes d'un autre ordre, mais qui en fait sont complètement connectées à ces questions-là, et d'où l'importance de valoriser le dynamisme de la pratique artistique des amateurs. La joie, l'enthousiasme, l'aspect convivial, l'aspect festif, qui sont jamais, jamais, jamais déconnectés. Alors, ça ne veut pas dire que dans la sphère professionnelle, ils le sont, parce que très souvent, ça marche pareil. Mais y a évidemment moins de gens proportionnellement qui pratiquent en tant que professionnels qu'en tant qu'amateurs. Mais de pouvoir rappeler que c'est une porte d'entrée de la pratique amateur et que la pratique amateur, elle est vivante et elle est complètement connectée à la création d'aujourd'hui. Elle est complètement en adéquation avec l'arrivée du numérique et des nouvelles technologies et de l'audiovisuel dans le spectacle vivant. Elle est complètement connectée aux préoccupations des espaces, des lieux. C'est pour ça que la question des lieux de pratique artistique nous intéresse vivement et qu'on a fait ce tour de France cet été des initiatives singulières. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas si singulières. Elles ne devraient pas plus l'être. Elles devraient montrer que c'est la réalité, l'essence d'une pratique artistique qui nous engage en tant qu'amateurs, absolument. On ne peut pas s'engager à moitié quand on est sur scène, quand on est en train de compter le nombre de dimanches qui nous reste de libre dans l'année parce qu'il y en a 32 qui vont consister à aller répéter ou être sur la route pour aller loin, pour répéter. C'est vraiment essentiel de le rappeler, de le valoriser. Voilà, donc ça me fait rebondir là-dessus. Et par rapport justement à la question tout à l'heure, tu parlais des singularités. C'est vrai qu'à Busson, on a cette singularité de proposer des spectacles professionnels avec billetterie qui inclut la présence d'amateurs. Aujourd'hui, il y a des réglementations qui empêchent à des amateurs de participer au-delà de 6 représentations, je crois, bénévolement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on excède ces 6 représentations, on doit payer les amateurs qui figurent dans des spectacles professionnels. Notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'excès du côté de la danse, où on a eu des spectacles qui intégraient des chœurs de 50 amateurs et qui essayaient comme ça d'avoir des grands plateaux, on dirait, à faible coût. Donc il y a eu des restrictions qui ont été opérées à ce niveau-là. Et le Théâtre du Peuple, pour l'instant, est le seul lieu qui a une dérogation du ministère de la Culture pour pouvoir continuer finalement à permettre à des amateurs de participer à 25 représentations au Théâtre du Peuple qui génèrent malgré tout une billetterie. Mais avec évidemment la conscience que le Théâtre du Peuple est une singularité historique de la présence de ces amateurs et que si on devait payer les amateurs, ben tout simplement on fermerait le Théâtre du Peuple puisqu'on n'a pas les moyens de payer autant d'acteurs au plateau. Là, effectivement, il y a 3 professionnels l'après-midi et il y en a 3 le soir qui sont rémunérés. Donc sur l'été à Busson, on a 6 acteurs professionnels, ce qui n'est rien, enfin, je dirais, à l'échelle d'un théâtre qui aurait les moyens de produire beaucoup de spectacles. Donc on a cette force aussi qu'apportent justement les amatrices et les amateurs, qu'on rencontre aussi, qui viennent de toute la France. C'est ça aussi la force du Théâtre du Peuple, qui à l'origine part d'une famille. C'est la famille, c'est les cousins, c'est les neveux de Maurice Poitcher, c'est les gens du village qui petit à petit vont s'approprier cet outil. C'est les gens du village qui après vont s'approprier aussi l'outil sous la forme d'une association, qui vont perpétuer la tradition. Et progressivement, ce théâtre acheté par l'État et qui va avoir aussi maintenant cette visibilité au niveau national qui fait que les stages qu'on propose toute l'année attirent des gens, même en Belgique et hors du territoire français, pour justement continuer à promouvoir cette excellence de la relation entre des professionnels et des amateurs, d'un répertoire, parce que c'est vrai que la question du répertoire, elle est importante, et on essaye ici justement de ne pas la galvauder. C'est-à-dire que moi, je fais partie des metteurs en scène qui pensent qu'il ne faut jamais justement aller dans la facilité, quel que soit le niveau des artistes avec qui on travaille. Par exemple, cette année, moi, j'ai créé un atelier du jeudi soir pour les amateurs locaux, c'est-à-dire pour ceux qui sont vraiment du coin et qui n'avaient pas forcément le temps ni le courage de participer à 3 mois d'expérience l'été. Et pour cet atelier, j'ai choisi un des textes les plus difficiles du théâtre contemporain, qui s'appelle « L'instruction de Peter Weiss » et qui est un spectacle d'après les actes du procès d'Auschwitz et qui est un texte, enfin moi qui est un des textes qui me bouleverse le plus. Et je l'ai fait avec ces amateurs, on a travaillé comme ça les jeudis soirs et c'était absolument incroyable ce qui se produisait puisque c'était l'humanité en fait aussi de ces gens, dont certains sont là, qui amenait aussi la valeur de ce texte. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment important, c'est de jamais aller dans la facilité, que ce soit un répertoire comique ou boulevardier ou des choses qui font que parfois, quand on rencontre des troupes, quand moi je tourne beaucoup dans le territoire du Grand Est, quand on questionne le répertoire des troupes amateurs, on est très vite sur des choses, des Boeing, voilà, on tombe vite dans des caricatures et parfois il y a des troupes qui nous disent « Ah non, moi j'ai découvert ce texte de Yon Foss » ou « Voilà, on a envie de travailler sur Fabrice Melchior qu'on a découvert ici » ou parfois au Théâtre du Peuple, on découvre des écritures. Donc il y a cet enjeu-là aussi qui est important à poursuivre. C'est vrai que je présente le spectacle du soir ici comme étant sur une tentative d'écriture plus pointue, de démarche plus singulière. mais c'est aussi, je dis que c'est le spectacle avec les professionnels, et ça ne veut pas dire que les amateurs sont exclus de ces écritures pointues, c'est simplement dans la réception de ce spectacle, où effectivement, traditionnellement, on vient l'après-midi en famille, on passe l'après-midi à Bussan, et on voit les portes qui s'ouvrent, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre du tourisme culturel, au-delà de l'intérêt pour un spectacle, puisque souvent les gens viennent au Théâtre du Peuple sans savoir ce qui se joue, alors que le soir, les gens qui viennent savent davantage ce qu'ils viennent voir. Donc ça crée aussi cette différence d'écoute qui est importante. C'est pour ça que je trouve que le soir, c'est bien qu'il y ait aussi des formes plus audacieuses. Ça ne veut pas dire que l'après-midi ne l'est pas, puisque, comme le dit Jean-Yves, La vie est un rêve, c'est un texte difficile. C'est un texte difficile d'appréhension, voilà, qui est une langue aussi. Donc il n'y a pas du tout de nivelage par le bas l'après-midi. Au contraire, on essaye que les deux formes aient cette même exigence. Que pour moi, que ce soit avec les amateurs ou les professionnels, le mot d'exigence est celui qui devrait toujours être mis en avant. Quoi qu'il arrive, il y a la question de la bienveillance dans le travail. La bienveillance, c'est une notion qui devrait être permanente dans nos sociétés, mais dans notre travail, elle est fondamentale parce que on travaille avec des gens qui peuvent être parfois fragiles. On parle aussi, quand on parle d'un travail d'acteur, on va vite creuser sur ce qu'est la personne, sur ce qu'elle dégage. Et donc cette bienveillance à tous les niveaux, mais que ce soit même avec à l'échelle d'une équipe d'un théâtre pendant l'été, mais dans le travail au plateau, c'est essentiel. Et c'est quelque chose qui... moi, j'aime bien aussi inviter des gens qui partagent ces valeurs-là, c'est-à-dire comment on est là pour aider les gens à être bien au plateau, à se sentir bien et en adéquation avec le projet. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, les musiciens. Voilà pour cette petite interlude musicale. Nous retrouvons tout de suite la deuxième partie d'un extrait de la pièce « La vie est un rêve ». Viens, Fortune. Allons, Annie. Ne m'éveille pas si je dors, et si c'est vrai, ne m'endors pas. Mais rêve ou vérité, l'important, c'est de bien agir. Si c'est vrai, tant mieux, c'est vrai. Sinon, tant pis. Et nous nous ferons des amis pour quand nous nous réveillerons. Vive C'est justement. Allez, allez. Wow. flots jusqu'à la mer. Qui saurait retenir de toute sa force un rocher détaché du sommet d'un mont? On peut tout arrêter, Astolphe, hormis la foule déchaînée et batailleuse. La preuve, entends. C'est sa voix partagée en factions qui fait résonner au plus profond des monts ses échos qui répètent. Entends. Les uns Astolphe et les autres Sigismond. Le dé du serment qui t'était destiné, prêt pour un autre but, pour un autre honneur, devient l'affreux théâtre où la fortune représente à contre-temps ses tragédies. Interrompez les réjouissances, sire. Arrêtez les vivas et le plaisir flatteur que votre malheureuse me promettait. Car si la Pologne, sur qui j'espère régner, refuse aujourd'hui de m'obéir, c'est pour que je la mérite. Donnez-moi un cheval, je veux frapper à l'égal de la foudre, après avoir couronné et donné. L'inéluctable ne peut qu'arriver, et modifier un pronostic est dangereux. Point de défense contre ce qui doit être, et moins on en fait, moins on prête le flanc. Loi intraitable, question cruciale. Effroi. On croit fuir le risque et l'on s'en rapproche. C'est ce que je voulais éviter qui m'a perdu. Moi seul, j'ai détruit ma patrie. Moi. Si, à présent, si, ne tente pas de dompter l'émeute qui a éclaté et qui gagna les deux parties divisées se répand dans les rues et sur les places. Tu verras ton royaume nager dans des vagues écarlates et teint dans la pourpre de son sang. Déjà, et c'est affreux à voir, tout n'est que malheur, tout n'est que tragédie. Telle est la ruine de ton empire, telle la cruauté de tes excès sanglants. Que l'œil est effaré, l'oreille est couvertée, le soleil s'éteint, le vent tout pillonne. Chaque pierre devient une pyramide et chaque fleur se piétine un tombeau. Chaque bâtiment est un sépulcre altier, chaque soldat est un squelette vivant. Le Saint-Dieu, j'allais vivant à tes pieds. Total, tu dis que c'est une Sigismond. Que la foule aveugle, monstre sans tête, a envahi la jaune, qu'elle a extirpé de ses profondeurs son prince, qui n'a eu de cesse remis au sommet des honneurs, de montrer son ardeur en disant plein de haine qu'il ne ferait pas mentir le ciel. Donnez-moi un cheval. Par ma vaillance, je veux vaincre en personne un fils ingrat. Il faut, pour la défense de ma couronne, que l'acier redresse l'erreur de ma science. Et moi, je serai là de côté du soleil. J'inscrirai mon nom auprès du tien. Tout est déployé, je volerai, moi, qui va à la divinité de Paris. Bien que le courage, enfermé dans ta poitrine, t'appelle à grands cris, tu m'écouteras, moi, qui sais que la guerre est dans tout. Je suis arrivée, tu le sais, pauvre, obscure et malheureuse en Pologne, où ton mérite m'a valu protection. En toi, j'ai trouvé de la pitié. Tu m'as ordonné, assieux, d'habiter au palais sous un faux nom et en cachant mon dépit, de faire en sorte d'éviter Astolphe. Or, il m'a vu. Et il viole à ce jour mon honneur, car m'ayant vu, il voit étoile la nuit dans un jardin. J'ai pris la clé du jardin, je m'arrangerai pour que tu y entres et que tu mettes fin à mon tournant. Là, fier, audacieux et fort, tu pourras me rendre mon honneur, puisque tu es bien résolu à me venger avec sa mort. Rosora, je te donnerai mes biens. Ensuite, tu iras au couvent. C'est la solution bien pesée qui te permettra, en échappant au crime, de trouver un refuge sacré. À l'heure où notre royaume déchiré subit des malheurs, ce n'est pas à moi, de noble naissance, de les augmenter. Tu n'as qu'à donner ton accord qui restera entre nous deux, car si Dieu, je n'en ferais pas plus si j'étais ton père. J'accepterai cette injure si tu es mon père. Mais tu n'es pas mon père, alors non. Qu'as-tu l'intention de faire? Tu es le duc. Une fille qui n'a pas connu son père peut elle avoir ce cœur? Oui. D'où vient-il? De ma réputation. N'oublie pas qu'Astolphe sera mon honneur. Je manque de tout. De ton roi et de toutes étoiles. Oui, Dieu, je ne le veux pas. C'est la folie. sa bravoure vole sans peur à la conquête du ciel. Mais revenons sur terre, mon esprit. Et cessons de faire mousser cette gloire incertaine si je dois souffrir une fois réveillé de l'avoir obtenue, puis de l'avoir perdue. Et moins elle aura été, moins elle la regrettera si elle est perdue. Bataille fut la plus féroce. Je me reposais, épuisé par toutes ces luttes, quand soudain, je sens un grand danger. 10 soldats armés apparaissent devant moi. Je me saisis de ma fidèle épée, mais le premier attaque. Soldat, puis s'envole vers le soleil avec ses tripes dans le bec. Un homme repose contre un arbre. Son visage montre deux trous noirs à la place des yeux qui contemplent le néant. Une tête sans corps crie encore « Maman ! Maman !» Et celui-là a son ventre tout ouvert en son milieu, du cul à la bouche, de temps. Oh, ses entrailles miroitent comme un arc-en-ciel. Un homme qui avance avec son cœur dans les mains, qui me murmure, écoutez, il bat encore, écoutez. Il bat encore. Fuyez le feu, la mitraille. Quel carnage! Quel carnage! Nous écoutons tout de suite un conte, celui de Babar le petit éléphant. L'histoire de Babar le petit éléphant. Récit de Jean de Brunhoff. Musique de Francis Poulenc. Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe, en chantant tout doucement. Thank you.

Un jour, pendant sa promenade, il voit venir à sa rencontre deux petits éléphants tout nus. Mais c'est Arthur et Céleste, mon petit cousin et ma cousine, dit-il stupéfait à la vieille dame. Babar embrasse Arthur et Céleste, puis il va leur acheter de beaux costumes. Thank you.

Hein, donc vous voyez, c'est quand même... Et il y a une partie patrimoniale avec des arcs qui est très très belle là-bas oui, au oui, fond. Oui, hein. Oui, tout à fait, hein. Et bon, elle a vécu jusqu'en 2003. Hein, où 2003, elle a fermé définitivement. Elle était devenue une cartonnerie. Mais si vous voulez ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait fabriquer du très très beau papier, du velin, etc. Et tous des papiers d'art. Hein, et les papiers d'art de l'ANA sont connus dans le monde entier. D'accord. Hein. Et alors, donc, la papeterie a... La papeterie a fermé. Il y avait combien d'ouvriers Il y avait à peu près 180 ouvriers, ah, hein, ouais. À la grande période. Hein. Et puis, quand nous, on a été élus à la commune, il y a maintenant 12 ans, notre projet, c'était de ne pas laisser cette belle entreprise, cette belle usine partir en ruine. Et donc, on a monté un projet qui soit un projet culturel, un projet économique aussi, parce que un projet social et sociétal, de façon à ce qu'on puisse conserver une grosse partie du site. Et c'est grâce à l'établissement public foncier de Lorraine qui a accepté notre projet, qu'aujourd'hui on peut déjà voir qu'il y a une bonne partie qui a été rénovée. Ah oui, vous voyez, c'est magnifique. Hein. Et à partir du début septembre, on va attaquer tous les abords. Hein. L'intérêt, c'est qu'on a fait ressortir les cours d'eau aussi. Hein. Donc, dans le temps... Plus tard, les gens ne passeront plus par les rues, notamment pour aller aux écoles qui sont derrière, mais passeront par un chemin doux, un cheminement doux, qui va traverser le site, passer en dessous des vitres, des œufs, et puis pour aller là-bas, aux écoles. Ah d'accord. Hein, c'est vraiment environnemental aussi. Hein. Alors, Gio Condé lui-même, sur lequel est centré tout cet été. Ah oui, alors Gio Condé, pourquoi Adocel? Oui, c'est ça. Ah bien, parce qu'à Docel, nous avons, vous avez vu tout à l'heure, là, une fresque qui est en cinq tableaux, qui a été réalisée en 1946 par Gio Condé pour Monsieur Lécole, qui était un grand papetier. Et si vous voulez, ça nous a donné aussi l'idée, parce qu'on a retrouvé dans le village, il y a aussi d'autres témoignages de la présence de Gio Condé. Il y a une statue, Sainte-Martine, il y a un des patrons des... comment? Les papetiers vosgiens sur une façade, c'est Gio Condé qui les a faites. Ah oui. Donc, avec Marc Hirtourm et puis avec Bernard Viss, on a dit, mais tentons. Ouais, hein. C'est bien. Donc, ça fait maintenant, donc on a établi une animation pendant 2 mois sur le site autour de Gio Condé. Alors là, on est le 25, c'est la dernière ou il y a Alors, la semaine prochaine, il y aura encore des ateliers, parce que dans le bâtiment, là-bas, il y a une fresque qui est en train de se faire par une artiste qui s'appelle San. Une fresque qui prend tous les murs du premier étage. Et si vous voulez, ça reprend les thèmes des faïences de Gio Condé. Ah d'accord, hein? D'accord. Ah oui, bonne alors, Gio Condé, c'est un artiste c'est un Lorrain, hein, qui était surtout connu à l'époque, il a travaillé pour les faïenceries, hein, bien entendu. On a une exposition qui tourne là-bas, à la bibliothèque, hein, avec beaucoup d'œuvres. Il a été peintre, et puis marionnettiste. Hein, marionnettiste. Alors, vous voyez, c'est un tout ça. Oui, c'est ça. Hein, on tourne toujours autour de Gio Condé. Et en plus, Le gala d'ouverture a été fait par l'arrière-petit-fils de Gio Condé, dans le bâtiment là-bas. Hein, et je vous assure que du bac joué dans cette usine, c'était merveilleux. Ah, oui. Et le lien entre Gio Condé et Docel? Mais c'est ce que je viens d'expliquer. Oui. Non. Il a travaillé. Il a fait la fresque. La fresque qui est là-bas, c'est lui qui l'a faite. Et les marionnettes, c'était donc son fils qui... C'est le petit-fils qui les avait. Comme on vous a dit, c'est le Castellet date de 80 et quelques années. Ouais, hein. Et nous, on a eu beaucoup d'émotions quand on a déballé, entre guillemets, de leur boîte, les marionnettes que vous avez vues. Parce qu'il y avait tellement de dizaines d'années qu'elles n'avaient pas vu le jour. Qu'on leur redonne de la vie, c'était quand même formidable. Bravo, en tout cas, monsieur le maire. Merci beaucoup au maire de Docel d'avoir répondu à ces quelques questions. Nous partons tout de suite à la rencontre de la légende de Saint-Nicolas. Thank you. En raison du réchauffement climatique, nous sommes désolés de vous annoncer un changement de calendrier. À partir d'aujourd'hui, le mois de décembre tombe en août. Nous sommes donc en plein mois de décembre. Et plus précisément, le jour de la Saint-Nicolas. N'oubliez pas, à l'issue du spectacle, de rallumer au téléphone portable. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glader au champ. Sont tant allés, sont tant venus, que le soleil on n'a plus vu. Sont tant allés, sont tant venus, que le soleil on n'a plus vu. Les enfants cheminent lentement de l'obscurité vers la lumière. Ils ont très peur, alors ils chantent pour se donner du courage. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient l'année au champ. Sont en allés, sont en venus, que le soleil on n'a plus vu. Les voilà qui arrivent. Sont en allés chez un boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? Alors quoi? Et T'es encore plus bête que je ne croyais. Ben moi, je vais te dire, avec les gosses-là, on va faire des beaux jambons et de bonnes saucisses. Tu veux les tuer? Ouais, je vais les tuer et les mettre au savoir. Ni vu, ni connu, je t'embrouille et ça ne coûtera rien. Allez, vas-y. Ah, moi, jamais. Tu ne veux pas? Je ne veux pas. Tu ne veux pas? Eh ben moi, j'y vais. Passe-moi le couteau. Je ne sais pas où je l'ai mis. Mais il est là, là, là, sous tes yeux. T'es belou? Il est tout rouillé, il ne bouge plus. Ah, passe quand même. Je vais l'aiguiser. Attention, il va abîmer la meule. Voilà. Maintenant, allons-y. Allez, allons-y. Les a coupés tout par morceaux, mis au saloir comme un pourceau. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Un pèlerin au bout de 7 ans, un pèlerin vint dans ce champ. Il s'en alla chez le boucher. Boucher, voudrais-tu me loger? Qu'est-ce que c'est? C'est un pauvre pèlerin qui vient de Sainte-Odile et qui demande l'hospitalité. Bonsoir, mon brave homme. Vous m'avez l'air bien fatigué. Voudriez vous reposer? Je m'en vais demander à ma femme. Bonsoir, brave homme. Bien sûr qu'on va vous loger. Faut avoir pitié des pauvres pèlerins. Peut-être que vous allez au pèlerinage à Sion? Yo, non, je vais à Saint-Nicolas de Tossel. Oh, ben vous n'êtes pas bien loin. Entrez. bien pour y mettre charbon. Vous n'auriez pas quelque chose à manger? Moi, je meurs de faim. Quelque chose à manger, mon pauvre monsieur? Nous n'avons plus rien. C'est un jour sans viande, sans pain, un jour sans rien, quoi. Ah, si seulement vous étiez venu hier, on avait de la brioche. Oh, et de l'oie au daube, si grasse et si bonne que ça vous dégoulinait le long de la bouche comme une fontaine. Et des beaux barbeaux de la moselotte à la sauce matelote, au vin rouge et aux oignons. Je les sens encore. Et du lapin en gibelotte, qui était à se mettre à genoux devant. Et des haricots pilés. Je ne veux rien de tout ça. Moi, je voudrais manger du petit salé. Du quoi? Du petit salé, je veux manger. Qui a 7 ans qui est dans le saloir? Quel est le saloir? Il n'y a pas de saloir ici. Là, sous le linge, il y a de la viande. Mais vous riez, mon homme. Ne t'enfuis pas. Repens-toi. Dieu te pardonnera. Saint Nicolas posa 3 doigts dessus le bord de ce saloir. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Le premier dit: j'ai bien dormi. Le deuxième dit: et moi aussi. Et le troisième répondit: je me croyais au paradis. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Voilà pour cette émission Vivre et créer à la montagne, présentée par Vincent. Vous la retrouverez en rediffusion mercredi prochain, ainsi qu'une nouvelle émission dans 15 jours. On vous souhaite une très belle continuation sur les ondes Radio Guémozo. On vous embrasse bien fort et on vous dit à bientôt.